Activité 2, compréhension orale. Première écoute. Regagnez votre siège, s'il vous plaît. C'est que je voudrais rendre cet ouvrage à mon copain de la rangée F7. Je vous propose de le lui donner tout à l'heure, jeune homme. Nous entrons dans une zone de forte turbulence et il faut... Mais madame, j'en ai pour un instant pour lui rendre son livre. Je regrette. Il faut respecter les consignes qui viennent d'être données. Regardez le signal lumineux. Je vous en prie, veuillez vous asseoir et vous attacher. C'est bon, je m'assois. Vous savez, j'ai l'habitude des longs trajets. C'est la 5e fois que je fais ce vol et il y a toujours des perturbations. Deuxième écoute. Regagnez votre siège, s'il vous plaît. C'est que je voudrais rendre cet ouvrage à mon copain de la rangée F7. Je vous propose de le lui donner tout à l'heure, jeune homme. Nous entrons dans une zone de forte turbulence et il faut... Mais madame, j'en ai pour un instant pour lui rendre son livre. Je regrette. Il faut respecter les consignes qui viennent d'être données. Regardez le signal lumineux. Je vous en prie, veuillez vous asseoir et vous attacher. C'est bon, je m'assois. Vous savez, j'ai l'habitude des longs trajets. C'est la 5e fois que je fais ce vol et il y a toujours des perturbations.